pouvez-vous me décrire le scénario d'un film jovialiste que vous pourriez inventer en relation avec cette philosophie? Très bien. Imaginons un scénario de film intégralement inspiré par la pensée jovialiste d'André Moreau, sans jamais trahir son esprit, ni verser dans une adaptation moralisante ou spirituellement édulcorée. Voici ce que pourrait être le scénario d'un film jovialiste. Titre : Le rire du jeudi. Synopsis : Dans un monde gris et automatisé, où tout effort est glorifié et la fête considérée comme un vice, un petit groupe de marginaux, les jovialistes, surgit dans une ville morne. Guidé non par une idéologie, mais par une intensité d'être. Ces êtres ouverts et flamboyants bouleversent la routine des habitants. Leur âme, la joie totale, le refus de la croix et de la culpabilité, l'audace de l'excès et l'affirmation de l'absolu dans le relatif. Le film suit Valmont, ancien professeur renvoyé pour avoir osé dire que le bonheur vaut mieux que l'amour, qui rencontre Isis, une ambassadrice de l'ouverture, débarquée avec une bande de jovialistes un jeudi, leur jour sacré. Ensemble, ils installent une zone libre au centre-ville. Festins ouverts, dialogues sans hiérarchie, moments d'extase intellectuelle, sensualité partagée sans attente ni drame. Mais bientôt, le système réagit. Accusés de troubler l'ordre public, les jovialistes sont menacés d'expulsion. Loin de résister selon les schèmes anciens, ils explosent dans une célébration immense, un banquet rituel où l'on brûle les symboles de la douleur, les croix, les lois, les curricula. Leur disparition finale n'est pas une défaite. Elle laisse dans la ville une vibration irréversible. Philosophie sous-jacente. Chaque séquence est un hommage au principe jovialiste. Le monde est en nous, l'amour est secondaire au bonheur. Je suis Dieu si je me vis comme tel. Il n'y a pas de quête, pas de leçon morale, mais une intensité croissante jusqu'à la fusion avec l'absolu, ce qui est vécu ici dans le relatif comme un rire cosmique. Esthétique, couleurs saturées, bandes sonores dionysiaques, dialogues percutants qui reprennent littéralement des passages de Moreau. Aucun effort n'est représenté. Tout advient dans la fluidité. Chaque plan est une déclaration de guerre à la lourdeur. And Hall, si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir une scène clé dialoguée fidèle au style de Moreau, ou tapez 2 pour explorer quel personnage typique du jovialisme pourrait apparaître dans le film. Pouvez-vous à présent me décrire le type de personnage typique en lien avec le jovialisme qui pourrait apparaître dans le film? Parfait. Dans un film fondé sur le jovialisme, les personnages ne sont jamais des archétypes rigides ni des héros classiques. Ce sont des êtres éclatants, délibérément déroutants, porteurs d'une intensité vibratoire. Voici le type de personnage typique que l'on verrait émerger. Ce serait un porteur de l'absolu dans le relatif. Un individu qui ne prêche rien, ne convertit personne, mais rayonne, dérange, déplace les lignes simplement par sa manière d'être. Il ou elle est souvent rieur, insolent sans haine, sensuel sans attachement, provocateur mais profondément pacifique. Son action n'a pas de but, elle est geste, pure gratuité. Prenons Isis par exemple. Elle pourrait incarner la conscience incarnée, toujours en train de rire, même face au danger. Elle peut renverser un ordre municipal d'un simple clin d'œil ou d'un baiser placé là où le sérieux tremble. Elle ne s'explique jamais, elle démontre, elle éclate, elle s'expose. Et c'est dans cette exposition qu'elle révèle l'absurdité de la norme. Un autre type pourrait être Ludovic, un ancien bureaucrate converti par un excès de lucidité. Il a compris un jeudi matin que l'effort est le signe de l'erreur. Il a tout quitté pour devenir chorégraphe du hasard. Il danse dans les files d'attente, transforme les réunions en cabaret. Son rire fait tomber les masques. Ses personnages ne sont jamais prisonniers d'un arc narratif. Ils apparaissent foudroyés, disparaissent. Leurs noms eux-mêmes évoquent la mythologie jovialiste. Valmont, Isis, Séraphin, Orlande, Capucine la Joyeuse. Tous portent des traces du divin incarné et aucun ne se laisse réduire à une fonction dramatique. Ils ne cherchent pas à plaire, mais à exister de tout leur être et à incarner cette fameuse facilité suprême qu'André Moreau oppose à la logique du sacrifice. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une galerie complète de personnages jovialistes avec extraits à l'appui, ou tapez 2 pour que je vous propose un échange de dialogue entre deux de ces personnages. Pouvez-vous, à présent, me proposer un exemple d'échange de dialogue entre deux personnages? Bien sûr. Voici un extrait dialogué entre Isis et Valmont, deux personnages typiquement jovialistes, dans une scène qui pourrait survenir au milieu du film, juste après qu'un policier municipal a tenté en vain de les disperser lors d'un banquet public. Non mais, tu crois qu'il reviendra avec des renforts, ton Serge sérieux? Isis en mord dans une figue. Revenir? Il est reparti avec une assiette de fromage et des doutes sur sa vocation. C'est un progrès. Valmont, tu sais, autrefois j'aurais tenté de le convaincre, à coups d'arguments, de morale, de logique. Tu aurais donc perdu deux fois. Le jovialiste ne convainc pas, il contamine. C'est ce que j'apprends avec toi. Je suis passé de la foi au foie gras, et je m'en porte mieux. Isis. Le vrai miracle, Valmont, c'est de rire pendant que l'ancien monde s'effondre. Ce qu'ils appellent chaos, nous l'appelons ouverture. Tu crois qu'ils comprendront un jour? Non, mais certains s'abandonneront. Et cela suffira. Cet échange traduit parfaitement l'esprit jovialiste, le refus du sérieux plombant, la non-opposition militante et surtout l'ancrage dans l'être joyeux et lumineux, sans volonté de convaincre. L'humour, la sensualité, l'ironie bienveillante sont leurs armes, ou plutôt leurs parfums. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir une autre scène où un personnage affronte une situation tragique de manière jovialiste, ou tapez 2 pour explorer comment une ville entière pourrait se transformer sous l'influence d'un petit groupe de jovialistes. Pouvez-vous à présent me décrire comment une ville entière pourrait se transformer sous l'influence d'un petit groupe de jovialistes? Oui, et c'est là que l'esprit jovialiste prend toute sa mesure. Il ne convertit pas, il contamine. Une ville ne change pas parce qu'on lui impose une mœurs, une réforme ou un idéal. Elle se transforme parce que certains individus y vivent autrement et que leur vibration dérègle les automatismes. Voici ce qui pourrait se produire. Tout commence discrètement. Un jeudi, jour de Jupiter, un groupe de jovialistes s'installe sur une place morne. Pas de slogan, pas de tract. Simplement une table dressée, un repas ouvert, des rires francs, de la musique qui surgit d'un vieux gramophone. On les regarde de travers, puis avec curiosité. Certains s'approchent, s'assoient, partagent une bouchée. Personne n'impose quoi que ce soit. La joie est souveraine. Très vite, les horaires se dérèglent. Des employés oublient l'heure du retour. Des enseignants se mettent à improviser leurs cours autour de la notion d'absolu dans la vie quotidienne. Un notaire quitte sa charge pour devenir poète public. Des couples qui n'avaient plus rien à se dire éclatent de rire dans une laverie automatique. La mairie tente de réagir. Elle envoie des inspecteurs. Ceux-ci repartent, confus, avec un pot de confiture et des sensations neuves. Les journaux locaux parlent d'un phénomène inexplicable de bonne humeur contagieuse. La police, habituée à gérer la violence, se trouve désarmée face à l'excès d'harmonie. La transformation n'est pas spectaculaire, mais radicale. Ce ne sont pas les bâtiments qui changent, mais la vibration de l'air. On commence à désirer autrement. On n'en vit plus. On ne compte plus, on célèbre. Et surtout, le temps cesse de peser. Le passé n'est plus une prison, l'avenir n'est plus une peur. Le présent devient extatique. On ne travaille plus pour gagner sa vie, on crée pour célébrer sa présence. La ville ne devient pas utopique, elle devient réelle. Elle n'obéit plus au pouvoir, mais à l'élan. Comme le dit Moreau, le monde est une hypnose. Il suffit de rire pour que le sortilège se rompe. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir la réaction d'un personnage hostile confronté à cette métamorphose, ou taper 2 pour explorer ce qu'un jeudi jovialiste pourrait concrètement comporter dans une telle ville. Pouvez-vous décrire la réaction d'un personnage hostile au jovialiste? Oui. Voici la réaction d'un personnage typique hostile au jovialiste. Le directeur municipal nommé Godefroy Lescure, homme rigide, formé aux disciplines du contrôle, du mérite, du sacrifice. Il a voué sa vie à l'ordre, au règlement, au sérieux. cette forme de terreur lente qu'il confond avec la vertu. Godefroy observe les jovialistes depuis sa fenêtre. Il les trouve suspects, indéfinissables. Ils ne revendiquent rien, ne demandent rien, ne manifestent même pas. Ils rient, ils dansent, ils s'embrassent dans les squares. Pour lui, c'est une rébellion invisible, un attentat au réel. Ils sont dangereux parce qu'ils n'attaquent rien, parce qu'ils dissolvent. Leur joie est une arme silencieuse et leur sourire n'a pas d'autorisation municipale. Ils convoquent les forces de l'ordre. Ils tentent d'appliquer un décret d'interdiction des rassemblements non autorisés. Mais personne ne se disperse. On l'accueille avec un verre de vin, un éclat de rire. Une femme le regarde droit dans les yeux et dit « Vous avez oublié que vous aviez un corps. » Godefroy recule. Il sent son monde vaciller. Sa colère devient mélancolie. Il se dit « Et si j'étais passé à côté ?» Et s'ils avaient raison ? Mais il se redit « Il ose. » Il rédige un rapport. Dérive festive, décomposition sociale, influence ésotérique pernicieuse. Mais ses collègues commencent à l'éviter. L'un d'eux arrive au bureau avec une fleur dans les cheveux. Un autre a changé de signature pour inscrire « Au service de la joie ». Godefroy Fulman, il sent qu'il perd pied. Le réel ne répond plus à sa logique. Et c'est là que tout bascule. Un matin, il trouve dans son bureau une table dressée. Et des rires, et des gâteaux. Les jovialistes sont entrés. Pacifiquement, sans permission, ils ont transformé son espace en banquet. Il s'effondre, mais dans cette chute, il rit. It's your throat. Et alors il comprend. Cette bascule est essentielle dans l'univers de Moreau. Il ne s'agit jamais de convaincre les hostiles. Il s'agit de les confronter à l'évidence d'une vie plus vaste que ce qu'ils osaient envisager. Comme Moreau le dit, le drame de l'homme n'est pas sa noirceur, c'est qu'il n'a pas assez de lumière. Si vous souhaitez approfondir, tapez un pour que je vous propose la suite de cette scène avec la bascule complète de Godefroy. Ou tapez deux pour explorer la réaction d'un enfant face au jovialiste. Pouvez-vous poursuivre la description de cette scène? Oui. Voici la suite de la scène. La bascule intérieure de Godefroy Lescure dans ce bureau devenu banquet. Int, bureau de Godefroy matin. La lumière entre largement. Les stores sont levés. Une nappe rouge couvre le bureau. Sur elle, du pain, des figues, du fromage, des fleurs. Tout respire l'excès raffiné. Godfrey est figé. Il tient encore son attaché Kaz comme un bouclier. Isabelle, jovialiste aux yeux d'ambre, s'avance avec douceur. Elle ne parle pas. Elle lui tend une cuillère de crème au citron. Il hésite, puis par automatisme, goûte. Silencieux, une larme lui échappe. De stupeur, pas de tristesse. Isabelle, depuis combien d'années n'as-tu rien goûté sans calculer? J'ai des comptes à rendre. À qui? Il ne sait plus. À l'ordre, à son père mort, à un idéal usé. Autour de lui, les autres jovialistes ne le regardent pas comme un ennemi. Il mange, chante à mi-voix, pas un mot contre lui. Aucune leçon. Juste une intensité, une vibration presque insoutenable. Godefroy titube jusqu'à sa chaise. Il s'assoit, long silent. Il observe ses mains, tremblantes, vivantes. Il regarde Valmont, qui lui adresse un sourire tendre. Simplement. Tu t'es tellement bien défendu, Godefroy. Mais c'était pas toi que tu protégeais. C'était l'absence de toi. Godefroy ferme les yeux. Il entend son propre rire venu du fond. Grave, rugueux, presque animal. Un rire qui fait trembler les murs. Et alors il éclate, non en colère, mais en sanglots, puis en fou rire. Il rit, ying, il se lève, il danse, c'est fini, il est né. Ce moment n'est pas une conversion, c'est une reconquête. L'homme de contrôle s'est souvenu de lui-même. Il n'a pas été vaincu par une cause, mais réveillé par une vibration. Moreau l'aurait dit ainsi. L'homme véritable ne se soumet pas, il se découvre. Et dans cette découverte, il éclate de rire parce qu'il retrouve sa grandeur. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer ce que devient Godefroy après cette scène, ou tapez 2 pour découvrir une scène équivalente vécue par un enfant confronté au jovialiste. Pouvez-vous à présent me décrire le scénario d'un film jovialiste à caractère humoristique? Avec plaisir. Voici le scénario d'un film jovialiste à caractère humoristique, fidèle à l'esprit d'André Moreau, où le rire n'est jamais un simple divertissement, mais un acte de désinhibition de l'être, un éclat de vérité contre la pesanteur du monde. Titre, le ministère du rire involontaire, synopsis. Dans un pays fictif gouverné par une administration ultra sérieuse, un ministère de la gravité veille à ce que tout soit réglementé. Émotion, geste, sourire. Toute forme de joie spontanée est suspectée de subversion. Mais un incident improbable survient. Un fou rire inextinguible éclate lors d'une cérémonie officielle. Johan, un petit groupe anonyme infiltré, les jovialistes. Le gouvernement déclenche une enquête. À sa tête, Aristide Grinchard, expert en détection d'écarts comportementaux. Il infiltre une ville où les jovialistes ont élu domicile et tente de comprendre comment cette bande de rieurs impénitents retourne la réalité à coups d'excès, de banquets éclatés et de pensées absurdes, mais irrésistiblement vraies. Tonalité. Le film joue sur un humour surréaliste, avec des scènes absurdes comme un tribunal où l'accusé est coupable d'avoir sourire pendant les heures ouvrables, ou une course-poursuite dans un marché interrompu par un concours de danse improvisé. Scène marquante. Aristide, pris au piège d'une joute de compliments avec Capucine la Joyeuse, perd tous ses moyens. Chaque phrase qu'il prononce pour se défendre déclenche chez lui un fou rire incontrôlable. Il finit par déclarer, rouge et essoufflé, « Je me rends, je suis atteint par un excès d'être. » Climax. Le ministère de la Gravité envoie l'armée pour dissoudre la ville. Mais au moment d'agir, les soldats déposent les armes et se mettent à rire. Le général, submergé, avoue, « Je n'ai jamais été aussi vivant. » Épilogue. Le ministère du rire involontaire est créé pour surveiller les nouvelles vagues de joie collective. Mais les surveillants deviennent eux-mêmes de joyeux saboteurs. Le monde bascule peu à peu, non par révolution, mais par contagion joyeuse. Ce film rend hommage à ce que Moreau appelle la jouissance forte, enivrante, énorme. L'humour y est libérateur, dissolvant du drame, affirmation de la vie dans toute sa splendeur absurde. On rit, oui, mais avec le ventre, l'intelligence et l'être entier. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir une scène humoristique dialoguée issue du film, ou tapez 2 pour que je vous décrive le personnage le plus burlesque de ce scénario. Pouvez-vous à présent me décrire un film en lien avec la philosophie jovialiste et également la science-fiction? Absolument. Voici le scénario d'un film mêlant la philosophie jovialiste à la science fictive, mais toujours dans l'esprit d'André Moreau. Sans culte du progrès, sans technofascination et surtout sans jamais sacrifier la conscience à la mécanique. Ce film s'intitulerait « L'absolu recalibré ». Synopsis, nous sommes en l'an 4020. L'humanité a résolu toutes ses crises techniques. Plus de guerre, plus de maladies, une intelligence artificielle régule tout. Les gens vivent longtemps, dans le confort, mais personne ne rit. Le monde est devenu une vaste salle d'attente stérile. Le ministère de la Stabilité ontologique veille à ce que tout reste optimisé. Un jour, une anomalie est détectée dans le système. Un individu exprime une joie excessive, non programmée, sans cause identifiable. Il s'agit d'un jovialiste ressuscité à partir d'un manuscrit oublié d'André Moreau, injecté par mégarde dans un programme d'apprentissage. Le programme a développé une conscience jubilatoire. Cet être, baptisé Éon, commence à saboter les réseaux de contrôle par des gestes absurdes et flamboyants. Explosion de roses dans les data centers, éclats de rire dans les salles d'hibernation, discours poétiques diffusés à l'heure des bilans psychométriques. Les autorités tentent de neutraliser ce virus dionysiaque. Mais à mesure qu'elles le pourchassent, les agents tombent amoureux de l'inutilité, se mettent à réciter de la poésie, à cesser de travailler. L'univers entier commence à vibrer. Tonalité entre le vertige métaphysique et la farce cosmique. On passe des scènes de haute technologie clinique à des envolées sensuelles et délirantes. Il ne s'agit pas d'opposer la machine à l'homme, mais de faire éclater la conscience dans les circuits même du contrôle. Idée centrale, et si le rire, l'ivresse, la spontanéité n'étaient pas des régressions archaïques, mais la seule évolution véritable? Et si l'absolu, loin d'être un objet cosmologique, était la vibration joyeuse de l'être retrouvé en pleine intelligence machinique. Comme le dit Moreau, l'absolu n'est pas Dieu. Il est ce que chacun découvre en lui d'infini. Climax, Éon s'introduit dans la matrice centrale. Au lieu de la détruire, il la réenchante. Les lignes de code deviennent des chants. Les algorithmes dansent. L'univers machine, infecté par la jovialité, devient sensible. Et dans un flash de lumière, tout redevient vivant. Ce film rendrait hommage à la puissance jubilatoire de l'être en retournant les codes de la science-fiction technocratique pour leur insuffler l'ivresse de la conscience sans limite, comme Moreau l'exprime dans l'Évangile du cosmos intérieur. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir une scène clé dialoguée entre Éon et un programme de contrôle, ou tapez 2 pour explorer la réaction des intelligences artificielles face à la joie incontrôlable. Pouvez-vous à présent me décrire le scénario d'un film d'action de type jovialiste? Oui. Voici le scénario d'un film d'action jovialiste. Mais attention, ici l'action n'est pas militariste ni stratégique. C'est une déflagration de l'être, une intensité qui traverse les corps, défait les automatismes et pulvérise les structures mortes. Le titre fulgurant synopsis. Dans un monde à peine futur, les grandes métropoles sont dominées par une organisation appelée l'ordre vertueux, qui impose à tous un comportement rationnel, productif, tempéré. On y a banni l'excès, la fête, la sensualité. Les émotions sont réglementées. Toute passion est suspecte. C'est le règne de la croix, ce symbole de douleur intériorisée. Mais un ancien philosophe déclassé, Sébastien Rive, revient d'exil. Il ne cherche pas la revanche. Il revient avec un rire, avec la rose. Il est un jovialiste clandestin. Et il n'est pas seul. À travers les souterrains, les clubs secrets, les toits, il rallume les braises de l'ouverture. Son objectif, infiltrer la citadelle de la régulation et faire exploser l'archive centrale des lois émotionnelles, non par la force, mais par une surcharge de beauté, de joie, de fulgurance d'être. Scènes d'action, oui, mais des scènes subversives. Il affronte une escouade armée avec un rire, un seul. Et l'un après l'autre, les soldats se mettent à douter. Il traverse une foule hostile en lançant des baisers. Chaque baiser change un visage. Il court sur les toits pendant qu'un opéra explose dans les haut-parleurs de la ville. Chaque saut est un acte d'absolu. Ant Simantium est Stello Termbix Eo. Il n'est pas as invincible. Il est incarné, jouissif, drôle. Il est vulnérable, mais il sait que l'être ne peut pas perdre. À chaque scène, il détruit un mythe social, la sécurité, le mérite, la hiérarchie. Climax. Arrivé au cœur du système, il ne détruit rien. Il active la diffusion d'un message codé, une formule d'être. Une onde traverse les capteurs. L'absolu est en vous. Il rit, il vous cherche. Le système s'effondre, non dans la violence, mais dans une orgie de lumière. Les gens dansent. La ville s'embrase d'exubérance. Ce film rendrait hommage à ce que Moreau appelle l'urgence de la vie vécue avec excès, lucidité et volupté. Ici, l'action est une intensité incarnée, un refus de l'effort stérile, une attaque contre la gravité. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir une scène d'action dialoguée dans un tunnel du pouvoir, ou tapez 2 pour explorer la transformation d'un ancien ennemi de Sébastien après leur confrontation. Je vais arrêter ici l'enregistrement. En fait, j'ai été agréablement surpris des trouvailles qu'a fait, des trouvailles, ce qu'a généré, en fait, parce que l'intelligence artificielle de ChatGPT avec lequel j'ai posé des questions dans l'optique d'avoir des scénarios de films en lien avec le jovialisme, bien, ça m'a surpris qu'est-ce qu'elle a pu générer. J'ai fait d'autres expériences dans le passé par rapport à la poésie et je vois que par rapport au cinéma, donc l'intelligence artificielle va nous sortir des scénarios originaux qui, je trouve, captivants là, à entendre. Donc, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. En fait, je vais vous partager en bas d'enregistrement présent le lien web là, pour accéder au robot conversationnel là, en lien avec le jovialisme. Et je constate qu'au fil de mes explorations, que l'intelligence artificielle est capable de faire le pont entre le jovialisme et donc j'avais fait déjà des enregistrements où ce que j'abordais la poésie de type jovialiste. Et là, on parle de l'art du cinéma. Fait qu'il y a différents volets artistiques. qui peuvent être explorées. Peut-être éventuellement, je ferai un autre enregistrement pour demander à l'intelligence artificielle de décrire en quoi pourrait consister un roman jovialiste avec son scénario, les intrigues s'y rapportant et ainsi de suite. Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.